Connaissez-vous Dorothée Chélier, médecin dans les Aurès à la fin du XIXe siècle? Née en 1860 en Algérie, Dorothée Chélier fait partie des premières femmes ayant fait des études médicales. Elle soutient sa thèse à Paris et devient docteur en médecine en 1894. L'année précédente, elle avait rejoint la loge franc-maçonne du droit humain, fondée par la militante féministe Maria Derem. Dans son testament philosophique, Dorothée Chélier avait noté « Je désire entrer dans la franc-maçonnerie pour unir mes efforts à ceux de mes sœurs et de mes frères afin de faire triompher l'égalité dans les deux sexes et dans toutes les conditions. » Dorothée s'efforça aussi de concrétiser cet idéal en allant exercer son métier en Algérie. Entre 1895 et 1899, elle organisa plusieurs voyages dans les Aurès et en Kabylie pour élargir sa mission aux populations rurales qui vivaient dans ces zones reculées. Chacun de ces quatre voyages firent l'objet de publications ou de rapports auprès des autorités coloniales. De cette expérience, elle a tiré un ouvrage intitulé « Voyage dans l'Aurès, note d'un médecin envoyé en mission chez les femmes arabes ». Dans ce livre, qui relate sa première expédition, elle donne des descriptions détaillées de la vie quotidienne et des pathologies courantes dans une population, les Chaouis, encore très mal connue. Elle voyage à dos de mulet, sur des chemins étroits, parfois recouverts par des éboulements de pierre. Sans compter les bagages volumineux qu'elle a tenu à emporter avec elle, qui contiennent beaucoup de médicaments et du matériel de petite chirurgie. Au cours de ces longues journées de consultation, qui se passent sous la tente, dans un gourbi ou dans un café mort, elle reçoit chaque jour une quarantaine de patients. Mais la lecture de son journal montre que malgré ces conditions extrêmement difficiles, elle semble enthousiaste et infatigable. L'importante mortalité des femmes en couche la conforte dans son projet de former des sages-femmes en l'absence de tout prosélytisme religieux et sans exiger des indigènes une conversion en échange de médicaments. « Nous ferions mieux encore en Algérie, ajoute-t-elle, si nous arrivions à pénétrer la vie intime indigène sans chercher à lui imposer notre croyance. C'est le seul vrai moyen de gagner l'arabe à notre cause. » Malheureusement, cette manière discrète de critiquer l'idéologie coloniale restera sans effet. Lors de ses voyages suivants, Dorothée ira de déception en déception. Elle constate que les sages-femmes qu'elle avait formées ont été affectées chez les sœurs blanches, dans des hôpitaux où ne vont pas les indigènes et où aucun accouchement n'a lieu. Son projet de création en Algérie d'un dispensaire hôpital avec maternité-école pour femmes indigènes est jeté aux oubliettes. Des critiques commencent à fuser pour dénoncer des projets trop onéreux et qui donnent à une femme médecin des pouvoirs inaccessibles aux médecins hommes. Le docteur Rouvier trouve exorbitante la prétention d'une doctoresse, sous prétexte qu'elle est femme et pourvue d'un diplôme de doctorat en médecine, à se transformer d'emblée en professeur d'obstétrique. Découragée, Dorothée Chélier s'installa ensuite à Nice, où elle ouvrit un cabinet médical. C'est dans cette ville qu'elle est morte le 5 mars 1935.